des nuits dans la rue ne suffisaient pas. Combien de bières, combien de lampadaires as-tu niqué dans nos exploits? Tu as beau rôle de dire que c'est plus toi, t'es un voyou et tu resteras. Combien de filles faciles, combien d'affreux combats, combien de squats ouverts. Et oui, tout ça c'est toi que tu veuilles ou pas. Dans les escalators du métro, tu jouais un orange mécanique. Tes paraférés sur le pavé faisaient bien flipper les bouts. Combien de nuits au poste, combien d'après combat, combien de hauts d'entrée. Et oui, tout ça c'est toi que tu le veuilles ou pas. La manche dans la rue et les embrouilles, y'a pas à dire tel tel le roi. Partir en vrille, exploser les poubelles, combattre des heures dans le froid. Courser les cailles, faire peur aux vieilles, toujours partant, oui c'était toi.